The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To arrive. Arriver. Top. Le sommet. Down. En bas. Shoe. La chaussure. High. Haut. Wish. L'envie. Now, a bit faster. High. Haut. To arrive. Arriver. Top. Le sommet. To arrive. Arriver. High. Haut. Wish. L'envie. Down. En bas. High. Haut. Down. En bas. Wish. L'envie. Down. En bas. Now, use the words in context. Arrivé. We got to my house. On est arrivé chez moi. L'envie. I feel like dancing. J'ai envie de danser. Regardez. I like to watch him while he sleeps. J'aime le regarder quand il dort. La chaussure. I bought some shoes. J'ai acheté des chaussures. Haut. This mountain is really high. Cette montagne est vraiment haute. L'envie. I feel like dancing. J'ai envie de danser. Regardez. I like to watch him while he sleeps. J'aime le regarder quand il dort. Haut. This mountain is really high. Cette montagne est vraiment haute.